retombe des cerfs. La pêche, je retombe des cerfs. On connaît la misère. On connaît la misère. Sur tes marches derrière. Pour tenir que ta mère. Sur tes marches derrière. Pour tenir que ta mère. Akrapovic. A tes max Akrapovic. Akrapovic. A tes max Akrapovic. Akrapovic. A tes max Akrapovic. Akrapovic. A tes max Akrapovic. Attiré par millions, je ne veux pas t'humilier. On sait tout mais on parle pas, on pourra t'humilier. Je me rappelle des petits bâtards qui se moquaient à l'ancienne. Aujourd'hui c'est plus la même, ces petits bâtards, rien qui m'appelle. Bétaine levée comme Tokyo, dans la cage, ça n'est pas belle. À penser, moi qui forçais, aujourd'hui c'est elle qui m'appelle. Nous on t'attend, moi je t'attends, une balle je t'éteins. Tu déféris, t'es le fiston, si chacun sa peau y'a pas de piston. Moula, couleur pistache, trop technique pour ce petit tasse. J'ai zoné dans ma tête. Si ma peste, y'a pour toi, vas-y, arrache tes grosses fesses. Capuche, je retourne des cerfs. Capuche, je retourne des cerfs. On connaît la misère. On connaît la misère. Sur tes marches derrière. Pour te niquer ta mère. Sur tes marches derrière. Pour te niquer ta mère. Akrapovic.